Chapitre deuxième. Une des premières questions que se poseront les magistrats sera celle-ci. Quel a été le mobile de l'assassinat? Est-ce le vol? La réponse paraît facile s'il est avéré que la victime, au moment de sa mort, avait près d'elle ou sur elle des valeurs qui n'ont pu être retrouvées. Cependant, le fait de la disparition de ces valeurs ne pourrait suffire comme point de départ dans une instruction criminelle. La justice ne saurait ignorer que le vol est parfois un expédient destiné à déguiser quelque vengeance et à détourner les premiers soupçons. Aussi s'empressera-t-elle de rechercher avec un soin des plus minutieux les antécédents, la vie, les habitudes de la victime. Nous allons la suivre dans ses premières investigations. Maurice Vidal, né à Nantes, dans une maison de la rue de Sully, au mois de mars 1815, avait au moment de sa mort un peu plus de 32 ans. Il habitait Paris depuis une douzaine d'années. Il y avait fait une fortune des plus rapides, grâce à une remarquable intelligence des affaires de bourse et surtout à une prodigieuse activité. Après être resté quelques mois seulement commis chez un agent de change et s'être initié aux détails pratiques de certaines opérations financières, il n'avait pas tardé à travailler pour son propre compte et à se faire dans la coulisse une des premières clientèles de Paris. Pour arriver à ce but, qu'essayent inutilement d'atteindre tant de jeunes gens de notre génération, que de peines, que de soucis, quel incessant labeur. On l'avait vu résoudre ce problème, rester un homme du monde, un homme de plaisir, et demeurer un travailleur infatigable. Pendant 10 ans, on a pu le suivre dans toutes les fêtes, tous les bals, tous les soupers. Il a conduit le cotillon jusqu'à 2 heures du matin chez un banquier de la chaussée d'Antin, et il a pris part ensuite au galop échevelé qui a terminé la soirée d'une de nos étaillères les plus célèbres. Maintes fois, à 6 heures du matin, ses amis l'ont laissé à sa porte, un peu gris, mort de fatigue et appesant par le sommeil. Cependant, à 9 heures, 10 personnes pouvaient attester l'avoir retrouvé reposé, alerte, rasé de frais, occupé à recevoir, dans un hôtel de la rue Lafitte, des ordres pour la bourse du jour. Ce Nantais, devenu parisien, avait admirablement compris son époque, habile de contrastes et des plus légères sous des dehors graves. Il savait que l'homme d'affaires le plus cravaté de blanc ne néglige pas l'occasion de placer une plaisanterie entre 2 chiffres. Qu'un avoué interrompt volontiers la lecture d'un dossier pour demander des nouvelles du dernier balai. Qu'un président de cour est en quête de l'anecdote du jour et que le ministre le mieux gardé contre les importuns est souvent visible pour les gens amusants. Il savait aussi à ravir qu'il est admis de parler d'affaires au bal de l'opéra ou dans le boudoir d'une actrice, qu'il est facile à un garçon intelligent d'arracher un ordre de bourse entre 2 verres de champagne, qu'enfin le client fuit les gens ennuyeux, mal mis d'un autre monde que le sien, et qu'il recherche au contraire les personnes qui savent partager ses plaisirs tout en lui remettant de bons dividendes. De là vient des catastrophes à notre époque. Comment soupçonner la fidélité de cet homme devenu le dépositaire de votre fortune? Vous le voyez à toute heure du jour. Le matin, il déjeune avec vous chez Bignon. De midi à 3 heures, vous vous promenez ensemble sous les colonnes de la bourse. À 5 heures, vous le rencontrez chez une femme à la mode qui vous est chère à tous les deux. 7 heures, vous retrouve assis en face l'un de l'autre au café anglais. La soirée s'achève de compagnie au cercle, à l'opéra ou à une première représentation. Et durant toute cette journée, où vous avez vécu de la même vie, sa bonne humeur, sa gaieté ne sont pas démentis un seul instant. Il vous a entretenu de ses bonnes fortunes, des vôtres et de vos dernières opérations de bourse. Il vous a conseillé de vendre votre 4,5 parce qu'on va le convertir, et de quitter Cora parce qu'elle ne se convertit pas assez vite. Il ne sait plus à vous raconter l'histoire du macaroni sympathique et révélateur, mais en même temps, il vous a donné d'excellents conseils au sujet d'actions embarrassantes. Vous êtes à 1000 lieues de vous imaginer que ce compagnon si pimpant, si aimable, si enjoué, si tranquille, qui songe, dit-il, à se faire construire aux Champs-Élysées un hôtel avec le produit de ses courtages, a réalisé dans la journée toutes vos valeurs et s'embarquera le soir même pour l'Australie. Mais Maurice Vidal méritait la confiance de sa riche clientèle. Il faisait partie de cette nombreuse pléiade de boursiers dont les allures peuvent paraître excentriques aux gens réputés sérieux, dont la vie en dehors des heures de bourse est souvent taxée d'originalité, mais qui, dans les rapports d'affaires, se recommande par une régularité exemplaire et une délicatesse à toute épreuve. Si, en vue de ses intérêts, il avait cru devoir se faire des compagnons de plaisir, il avait su, en même temps, se conquérir de nombreux amis parmi les personnes les plus recommandables. Il n'avait tenu qu'à lui, à plusieurs reprises, de monter au parquet, et toutes les fois qu'une charge d'agent de change s'était trouvée vacante, on avait mis à sa disposition les capitaux dont il pouvait avoir besoin. Mais il les avait toujours énergiquement refusés, sous le prétexte qu'il voulait jouir encore quelques années de sa jeunesse et de sa liberté. Cette liberté, cependant, à laquelle il semblait en tenir, un jour, il l'aliéna. On apprit tout à coup son mariage avec une jeune fille qu'il avait connue à Gênes pendant un séjour qu'il avait fait dans cette ville en 1846. Et comme on s'étonnait de le voir prendre femme à l'étranger, lorsqu'il était en position de se marier avantageusement à Paris, il adressa à ses amis le petit discours suivant. « Messieurs, leur dit-il, pour vous autres Parisiens, le mariage est considéré généralement comme un moyen d'arriver. Pour moi, qui ne suis qu'un Breton, c'est le but auquel on arrive. Vous épousez une femme qui vous est à peu près indifférente, afin que sa dot ou ses relations vous servent à édifier votre fortune. Moi, je choisis une femme qui me plaît, pour qu'elle m'aide à manger agréablement des rentes péniblement acquises par 10 années de travail. Mais dans le temps de luxe où nous sommes, au lieu de vous enrichir, votre femme pourrait bien croquer sa dot et vos petites économies, tandis que la mienne, qui n'a pas respiré dès l'enfance l'air bif de Paris, aura, je le crois, moins d'appétit. Du reste, si elle arrivait à croquer, je ne m'en plaindrai pas, elle a de si jolies dents. Je vous vois venir, messieurs. Vous allez me répondre, avec de telles idées, il était inutile de vous marier, et une maîtresse vous aurait aussi bien convenu. Ne vous y trompez pas, c'est une maîtresse que j'ai prise, pas autre chose. J'espère rester toute la vie l'amant de ma femme. Seulement, je la tiens en grande estime. Je désire que chacun la salue. Je songe aux enfants qu'elle pourra me donner un jour, et j'ai prié un prêtre de sanctifier notre liaison. » Comme Perrault raison à cette harangue, Maurice Vidal présenta sa femme à plusieurs amis intimes. Il leur dit simplement, sans phrase cette fois, « Voyez, je l'adore et elle m'aime. » Et sa cause fut gagnée. En effet, jamais mariage ne fut contracté sous de plus heureux auspices. Maurice était fou de Julia, et celle-ci l'aimait avec cette furia italienne dont nous n'avons qu'une faible idée à Paris. Pendant 3 jours, il fut question à la bourse de ce mariage, de cet amour, de l'éclatante beauté de Madame Vidal. Puis, comme rien ne va raviver cet enthousiasme, car Maurice, trouvant inutile de prodiguer sa femme, l'aimait à domicile, on oublia le nouveau marié. On ne se souvint plus que du boursier, qui reprit le cours de ses opérations. Seulement, de temps à autre, un client de Maurice, après l'avoir chargé de quelques reports, ajoutait « Eh bien, la lune de miel dure-t-elle toujours ?» Maurice répondait « Mon ami, je suis l'homme le plus heureux de la terre. » Ce bonheur dura toute une année, et il aurait peut-être éternellement duré si Julien n'avait pas reçu une lettre qu'il appelait à Gênes. Sa mère, atteinte d'une maladie qu'on croyait dangereuse, voulait la voir avant de mourir. Maurice la laissa partir seule avec Marietta, une servante, presque une amie, qu'il avait élevée et qu'elle avait désiré emmener de Gênes avec elle après son mariage. Pourquoi ne l'accompagna-t-il pas? Le départ fut des plus précipités. Cette absence, qui dura près de 2 mois, ne devait d'abord pas dépasser 1 semaine. Enfin, la fatalité voulait peut-être que Maurice Vidal restât seul à Paris à la merci d'un assassin. Renseignés sur les détails de cette existence, les magistrats ne pouvaient s'arrêter longtemps à la pensée que le mari de Julia avait été victime d'une vengeance. Quels ennuis aurait pu s'être fait ce jeune homme, dont la vie avait été consacrée pendant 10 ans à des plaisirs avoués et à un travail honorable? Il n'avait froissé aucune susceptibilité, compromis aucun intérêt. Ses manières franches et ouvertes lui avaient concilié toutes les sympathies, et quoiqu'il fût d'un caractère emporté, qu'il se montrât parfois un peu raide dans les questions d'argent, il s'était toujours contenu de telle sorte que personne ne se rappelait avoir eu avec lui une querelle ou même une discussion. Son mariage pouvait-il avoir soulevé des jalousies, des sentiments d'envie? La justice, qui ne néglige aucun détail, voulut avoir des renseignements à ce sujet. Mais durant toute son existence de jeune homme, on n'avait connu à Maurice aucune liaison sérieuse. Au dire de ses amis, non seulement il n'avait fait aucun serment de fidélité, mais il avait fui avec acharnement celle qui aurait été tentée de lui en faire. Jusqu'au jour où il avait rencontré Julia, l'amour ne fut pour lui qu'une distraction, un passe-temps, un court échange de bons procédés. En un mot, il était bien connu pour être un de ces amours nomades qui relèvent parfois un coin de leur tente afin de donner l'hospitalité à de belles voyageuses, mais qui se refusent obstinément à leur ouvrir les portes de toute véritable habitation. Quant à Julia, sauf les deux ou trois amis intimes auxquels Maurice l'avait présentée, personne ne la connaissait. Pour l'épouser, on n'avait eu ni à la disputer, ni à l'enlever à un rival. Elle avait quitté Gênes sans déchirement et n'avait laissé de regret que dans sa famille. Toute réflexion faite, on pouvait donc supposer que le vol avait été un des mobiles de l'assassinat. Mais un vol avait-il été commis? Nous répondrons facilement à cette question en publiant les différentes pièces qui ont rapport à cette affaire et que nous devons à l'amabilité d'un des chefs du parquet. Nous aurons soin cependant, le plus souvent possible, de substituer aux procès-verbaux officiels, dont la sécheresse et l'aridité pourraient fatiguer le lecteur, certaines notes confidentielles qui s'échangent souvent entre magistrats dans le cours d'une instruction et que nous trouvons au dossier.